cours numéro 6. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ma dalil ala wujub al-qiyam fi salat? وقوموا لله قانتين أحسنت وما الدليل أن من ليس عنده القدرة أنه يجوز له الجلوس ما الدليل على هذا تفضل أحسنت صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب حديث عمران ابن حسين رضي الله عنه إذا استطاع أن يقوم في الركعة الأولى ثم يعجز عن القيام فهل يصلي قائما أو قاعدا Si une personne on prend مثلا صلاة الفجر les deux ركعات il peut faire une ركعة debout فقط et la dernière ركعة il l'a fait assis est-ce que dans ce cas-là il fait صلاة entièrement assis ou entièrement debout عندما أحسن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تستطع فقاعدا لا personne il fait ce qu'il peut debout dès qu'il peut plus il s'assoit sauf si le fait de se mettre debout ça lui aggrave sa maladie ففي هذا الحال il s'assoit لأنه il est compté il n'a pas le قدرة il n'a pas la capacité في هذا الحال أما نحن الكلام il explique à la capacité on avait utilisé أمس une règle de, dans le قواعد قواعد الفقهية من غير الدفق في هذا الموضوع ما هي الميسور لا يسقط مع مع المعسور أحسنت الميسور لا يسقط مع المعسور أي لا فاسيليتي سي تاريف على فير tu l'as fait قال الإمام الألباني عليه رحمة الله الصلاة في السفينة السفينة معروف الجمع السفن السفينة سي ان باتو وهذا الباب سيصغى لو ميم حكم كما قال الشيخ رحمه الله في الحاشية قال وحكم الصلاة في الطائرة كالصلاة في السفينة أن يصلي قائما إن استطاع وإلا صلى جالسا إيماء بالركوع بركوع وسجود كما تقدم هذا الباب إلا سيتي شيخ الألباني في السفينة و الطائرة c'est le même حكم en avion c'est le même حكم قال رحمه الله وسئل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة فقال صلي فيها قائما إلا أن تخاف الغرق هذا الحديث قد أعله بعض أهل العلم أي بعض أهل العلم تكلموا فيه certains savants ils ont ضعف الحديث فالحديث فيه كلام أما شيخ الألباني رحمه الله هو اللي صحح على كل حال العمل اللي على هذا ولو سي الحديث on prend la vie des savants qui disent qu'il est faible العمل اللي على هذا عمل المسلمين اللي على هذا il y a des autres adillah qui montrent هذا قوله إلا أن تخاف الغرق الغرق c'est le fait de se noyer صلي فيها قائمة إلا أن تخاف الغرق ففي السفينة تبخي دبو سوف si t'as peur de te noyer خاصة السفن في الأزمنة القديمة c'est pas comme les سفن d'aujourd'hui les bateaux à l'époque c'est pas comme les bateaux d'aujourd'hui ربما tu te mettais debout ربما tu tombes dans l'eau أما الآن فتعلمون أن ربما لا تشعر que t'es en mer ففي هذا الحال celui qui a le قدرة يصلي دبو Et nous, on avait dit, même si ce hadith est daïf, il y a des autres hadiths qu'on a vus auparavant. Quand alayhi sallallahu alayhi wa sallam, salli qa'ima, fa illam tastati' fa qa'ida. Hada, c'est un asl fil bab. Ala kulli hal, en avion ou en bateau, celui qui peut faire salat debout, il fait salat debout, c'est wad. S'il ne peut pas, yakhaf min al-gharaq, ou yakhaf, il peut tomber, se faire mal, on ne lui donne pas l'autorisation, mais il fait ta'irat, c'est l'heure de salat, et eux, ils n'autorisent pas à quitter ton siège, fafi hadha al-hal, tu salli, bi qadr ma tastati', tu salli assis, wa kama qala al-sheikh al-albani, wa illa salla jalisan ima'an bi ruku'in wa sujud kama taqaddam. Et s'il peut faire un ruku', il le fait, s'il ne peut pas, aïe, il se penche légèrement pour le ruku' et il se penche plus pour le sujud, comme on a vu qabl. قال الإمام الشوكاني رحمه الله قال فيه أن الواجب على من يصلي في السفينة القيام أي الحديث كنا سيتي أو كالشيخ الألباني لا سيتي صلي فيها قائمة إلا أن تخاف الغرق. قال فيه أن الواجب على من يصلي في السفينة القيام on a dit le même حكم pour الطائرة l'avion c'est le même حكم. قال ولا يجوز القعود إلا عند خشية الغرق إلا عند خشية الغرق أو une autre cause. المهم il faut qu'il ait une raison s'il veut s'asseoir. قال ويؤيد ذلك الأحاديث المتقدمة الدالة على وجوب القيام في مطلق الصلاة الفريضة حديث عمران بن حسين تقدم. قال فلا يصار إلى جواز القعود في السفينة ولا غيرها إلا بدليل خاص. نعم on a vu ce exemple dans l'usul أن العموم لا يجوز تخصيصه إلا بدليل خاص. فالآن هذه عمومات حديث عمران رضي الله عنه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لا أقدر de faire salat debout. Ça c'est des hadith عامة toujours. Sauf si on a un dalil خاص. On a vu des أدلة dans le voyage. On a vu des أدلة. Celui qui a peur. الخائف في الجهاد. On a vu des أدلة. الآن في السفينة. أما الأصل c'est d'être debout. Sauf un dalil khas. كذلك on a vu أدلة في النوافل. النافلة t'es pas obligé de te mettre debout. Il y a juste tu te mets assis. ولو t'as القدرة. فتout ça c'est أدلة خاصة. Il spécifie les أحاديث عام. Il est أحاديث généraux. Il est spécifique. هذه c'est une règle dans le fiqh. فلا يجوز الجلوس في الصلاة إلا بدليل. فالسفينة la chaque anna si la personne il a peur de le gharaq ou il a peur de tomber ou غير ذلك من الاعذار الصحيحه فيجوز له القعود في هذا الحال بقي استقبال القبلة تقدم si il peut يستقبل القبلة يستقبل القبلة خاصه الان les bateaux les avions الى اخره كثير منها il te montre direction de la qibla ou si la personne il peut pas s'il a moyen de trouver le qibla, c'est wajib alayh. S'il peut se guider avec les étoiles, s'il peut demander à quelqu'un qui a de la khibra. Amma s'il peut pas, fala yukallifu Allah nafsan illa wus'aha. S'il peut pas et il a peur que waqt as-salat yakhruj, مثلا, il doit faire ad-dhuhr. Et il reste un quart d'heure pour dhuhr. S'il le fait pas, l'heure du dhuhr elle est finie et on rentre dans l'asr. Fi hadha al-hal fi ad-dhuhr. S'il est en voyage, yajuz lahu jam' at-taqdim wa at-ta'khir kama huwa ma'lum. Ala kulli hal l'heure, s'il a peur que l'heure elle est dépassée, il fait salat. S'il ne connaît pas le qibla, il yajtahid. Wallah subhanahu wa ta'ala yaqul, fattaqullah mustata'at. Il fait ce qu'il peut fi hadha al-hal. Wa qala al-sheikh rahimahullah, wa lamma asanna sallallahu alayhi wa sallam wa kabura ittakhadha amoudan fi musallah ya'tamid alayh. Wa lamma asanna ay quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a pris de l'âge. Asanna ça vient de sin. Fa as-sin c'est l'âge. Fa lamma asanna ay il a un âge avancé alayhi salatu wassalam. Wa lamma asanna sallallahu alayhi wa sallam wa kabura. Kabura ça explique asanna. Qala ittakhadha amoudan fi musalla ya'tamid alayhi. Aya Nabi alayhi salatu wassalam quand il a vieilli sallallahu alayhi wa sallam il s'appuyait على عمود عمود سابطون كان في مصلى. قال الإمام الشوكاني رحمه الله وقد ذكر جماعة من العلماء أن من احتاج في قيامه إلى أن يتكي على عصا أو على عكاز أو يستند إلى حائط أو يميل على أحد جانبيه جاز له ذلك. نعم والدليل حديث الذي ذكره الشيخ الألباني رحمه الله سي لا بيرسون il a un âge avancé ou il est malade ou il a du mal à rester debout, il y a juste là où il s'appuie à la amoud, une canne ou s'il y a un mur il cède avec le mur. هذا يجوز له قول جماعة من أهل العلم استبازي sur ce hadith. قال وجزم جماعة من أصحاب الشافعي باللزوم وعدم جواز القعود مع إمكان القيام وبعض العلماء منهم أصحاب الشافعي كما ذكر الشوكاني رحمه الله يقولون بالوجوب. Ils disent que si la personne il peut se lever en s'appuyant sur quelque chose, il est obligé de se lever. نحن on avait vu là أنه يسسوه. هذا القول في نظر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم il a autorisé à Imran s'il ne peut pas, il s'assoit. قال وقال القاضي حسين on est toujours كلام الشوكاني قال من أصحاب الشافعي لا يلزم ذلك ويجوز القعود. نعم ففي هذا الحال تعال الشواء لا يلزم tu t'appuies sur quelque chose et tu restes debout là. المشقة لحاصلة si la personne ça le fatigue فيجوز له يسسوى يجوز له يسسوى. Le prophète صلى الله عليه وسلم il s'est assis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Imran, salli qa'iman, qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan. Hada al-qawl al-sahih, annaka t'as le choix. Si tu veux t'asseoir, tu t'assois. Si tu veux te mettre debout et tu patientes, tu t'appuies sur quelque chose, fa yajouzou lak. Hada huwa al-qawl al-sahih. Thabata kadhalik, min al-adilla ala al-i'timad, ala al-asa, thabata kadhalik an jama'a min al-sahaba radiyallahu anhum, kama fi hadith Umar, quand il a ordonné Ubay ibn Ka'b wa Tamim al-Dari de faire salat tarawih, Ubay wa Tamim il faisait salat avec les longues sourds. Ba'd as-sahaba kanu ya'tamidun 'ala al-'asa. Tellement que la salat elle était longue, Ba'd as-sahaba il s'appuyait 'ala al-'asa. Il s'appuyait sur des bâtons, sur des cannes. Hada ça montre annahu yajouz. Fi hada al-hal ils ont le droit de s'asseoir. Tarawih c'est une sunna. Dans le cas, ils ont le droit. Lakin, tu as le droit, si tu veux rester debout, tu t'appuies à la chaise, biqadr ma tastati'a, fa hada ja'a fihi ad-dalil wa 'amal ba'd as-sahaba radiyallahu anhum. On a dit salat ta'ira, nafs al-shay. Hada wadih. Hada al-bab il est sahl. Qala rahimahullah, qala al-qiyam wa al-qu'ud fi salat al-layl. هذا الباب في الحقيقة نحن لا في فيه صلاة النوافل on avait détaillé مسألة القعود soit في صلاة الليل أو في غيرها من النوافل c'est le même حكم لأن la différence في القيام والقعود c'est entre la صلاة obligatoire et la صلاة recommandée. La صلاة obligatoire t'as pas le droit de t'asseoir إلا بعذر صلي قائمة إلا لم تستطيع فقاعدة. أما صلاة النافلة يجوز la personne il s'assoit ولو s'il a la capacité d'être debout. Et on avait expliqué هذا en détail. Façon globe صلاة الليل. قال رحمه الله وكان صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا. Ça c'est un دليل أنه يجوز القعود في صلاة النافلة صلاة الليل وغيرها. قال وكان إذا قرأ قائما ركع قائما وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا. أي أن النبي عليه الصلاة والسلام si il récitait debout, il faisait la salat debout, il faisait ركوع debout. هذا لا شك فيه. Tu vas pas t'asseoir pour faire ركوع. بقي مسألة si tu fais salat assis, est-ce que tu te lèves pour faire ركوع؟ قال هنا في الحديث الحديث في صحيح مسلم وكان إذا قرأ قام قائما ركع قائما وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا. Fait salat an-nafila, si tu as fait la salat assis, il y a juste que tu fais le ruku' assis, tu n'es pas obligé de te lever. Lakin, on va voir le deuxième hadith, annahu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, ahyanan, il se levait. Et il faisait le ruku'. Hada, on est fait salat an-nafila. On a dit salat an-nafila, aslan, il y a juste le qiyam, il y a juste le qu'ud. Celui qui est assis, il y a juste là, il se relève, et il fait le ruku', il se relève, il fait le sujoud, wa hakada. Tumma la deuxième raka'a, s'il veut faire assis ou il veut faire debout, ma'rouf. Lakin, on n'oublie pas, Anna celui qui a le qudra d'être debout, il a la moitié de la récompense. Annahu nisf al-ajr, comme a dit Isa al-Salam. Lianna, il a la capacité de se mettre debout. Qala, wa kana, ahyanan, ay, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, yusalli jalisan fa yaqra wa huwa jalis. Fa idha baqiya min qira'atihi qadra ma yakun 30 aw 40 ayah, qama faraq fa qara'aha wa huwa qa'im, thumma raka'a wa sajad. ثم يصنع في الركعة الثانية مثل ذلك ثم يصنع في الركعة الثانية مثل ذلك الحديث اللي في الصحيحين. ففي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة assis ثم avant le recours il s'est relevé il a continué à réciter une trentaine de versets ou 40 versets ثم il a fait un recours debout فيجوز هذا وهذا. قال وإنما صلى السبحة. السبحة سنافلة صلاة السبحة سنافلة. قال وإنما صلى السبحة قاعدا في آخر حياته لما أسن وذلك قبل وفاته بعام. الحديث في صحيح مسلم. نعم هذا صمود أن السلوك القدرة لا ينبغي له أن يفرط في هذا. Celui qui a la Qudra, même si c'est autorisé de faire salat assis, là il embarque la personne, il laisse passer ses hasanat, qu'il aura sûrement besoin yom al-qiyam. Là il embarque. S'il est en forme, il est jeune, il fait salat debout, ahsan la. Nous on parle, un jeune, il n'a aucune raison, il n'est pas fatigué, il veut faire salat al-layl, ahsan, il fait salat debout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait debout. Lakin c'est autorisé qu'il fasse assis. Amma nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'asseyait, fi akhir hayat, fi salat al-nafila. Quand il a pris de l'âge, alayhi salatu salam, fait le hadith un an avant sa mort, il commençait à faire salat assis. Les alaouis, il commençait à ressentir de la fatigue, alayhi salatu salam. Et ça, ça montre, mulazamat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les qiyam al-layl. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas délaissé qiyam al-layl. Lakin, quand il a eu une faiblesse, alayhi salatu salam, la fatigue, il l'a fait assis. Ça montre qu'il n'a pas délaissé, alayhi salatu salam. Allah al-musta'an. Qala, wa kana yajlis mutarabbi'an. هذا الحديث فيه كلام. ونريد أن الصحيح والله تعالى أعلم أنه ما ثبت شيء في كيفية الجلوس. مسألة ولا بيئة. كيفية الجلوس أي كومون ساسواغ ما ثبت شيء. هذا الحديث أخرجه الإمام النسائي وابن خزيمة وعبد الغني المقدسي والحاكم والذهبي. بعض العلماء إذن ضعف مثل هذا الحديث. فالله أعلم ما ثبت الشيء في الكيفية. كومون ساسواغ ما ثبت شيء. لكن الجلوس متربعا il est مريح. متربعا c'est هكذا. Comment ils appellent cette جلسة en français? Hein? Le tailleur. On va rester sur متربعا أسهل. فهذه elle est أريح. صحيح elle est سهلة. لكن بعض الناس يتعبون. بعض الناس مثلا ils préfèrent sur les genoux. C'est plus reposant pour lui. على كل حال la personne il s'assoit, il se met à l'aise حتى يخشع في صلاته. Il y en a plus t'es à l'aise, plus t'auras du khushu. Fa al-kayfiyya, comment s'asseoir? Al-amr il est كذلك يجوز, si la personne il se repose et s'assoit sur une chaise, kursi, يجوز له ذلك. Fi salat al-nafila ou fi salat al-fard. Si il ne peut pas faire salat al-farida debout. Mafhoum hada? Al-an on a fini. Salat, ou ma yata'allak bi al-qu'ud ou al-qiyam fi salat. Al-an il va passer à un autre bab. Rahimahullah. Ce qui résume tout ce qu'on a vu sur le qiyam ou le qu'oud, il nous explique c'est quand c'est obligatoire le qiyam, c'est quand c'est autorisé le qu'oud, ou hakada, s'il peut citer les adillah, faddal. Al qiyam fi salat al-asl, c'est que c'est wajib. Ça fait partie de quoi? Al-arkan al-shurut ou al-wajibat. Ça fait partie de arkan al-salat. Illa, sauf, c'est quoi le dalil, awalan, que c'est wajib? وقوموا لله قانتين وحديث عمران صلي قائمة sauf dans certaines situations تفضل on a cité quoi صلاة الخوف كذلك plus vaste que صلاة الخوف on avait dit صلاة العاجز صلاة العاجز celui qui a pas la capacité كذلك الدابة avec مد الدال الدابة نعم. Ça c'est pas c'est quand hada? Fi safar? Fi salat al-nafila. Quand t'es en voyage et c'est une salat nafila, t'as le droit de prier assis sur ta monture. On a vu les adillah. Zid? As-salat fi safina, ça revient à s'il n'a pas le qudra. Ça revient à s'il n'a pas le qudra. Mais s'il a le qudra, il fait salat debout. Sauf si c'est une nafila, il l'a fait fils Sabina. Ça revient à ça. Anta, salat al-qiyam, c'est wajib. Sauf dans deux cas. Salat al-nafila, c'est pas obligatoire de se mettre debout. Et salat al-ajiz. Salat al-ajiz, celui qui n'a pas la capacité. Obligatoire ou pas? S'il n'a pas la capacité, il s'assoit. Fattakullah mastata'atou. Kadhalik, il y a un autre cas, il est spécifique, c'est prier sur sa monture. Ça, c'est khas pour le voyageur et nafila. Deux choses. Il faut qu'il soit voyageur et il faut que ça soit une salat nafila. Dans ce cas-là, il prie sur sa monture. Sa monture à l'avance et il fait salat nafila ala wa huwa fi as-safar. C'est ça, khulasat de tout ce qu'on a vu. Hadha al-bab, il est muhim. كم من الناس يشكل عليهم هذا il sait pas quand est-ce qu'il doit prier debout ou quand est-ce qu'il a le droit de prier assis s'il a des difficultés le voyage en bateau en avion enfin tout ça avec ces règles qu'il a cité Cheikh Al-Albani بإذن الله ça va te faciliter قال الصلاة في النعال والأمر بها هذا أو هذه المسألة الصلاة في النعال والنعال معروف les sandales أو الآن tout ce qu'ils ont tout ce qu'on porte aujourd'hui que ça soit des baskets que ça soit des sandales que ça soit autre قال الصلاة في النعال والأمر بها on va voir أن الصلاة في النعال c'est من السنن من سنن الصلاة قال رحمه الله وكان أي صلى الله عليه وسلم يقف حافيا أحيانا ومنتعلا أحيانا قال في الحاشية رواه أبو داود وابن ماجه وهو حديث متواتر كما ذكر الطحاوي هذا الحديث المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم parfois il faisait الصلاة بينه et parfois il faisait الصلاة dans ses نعال dans ses sandales عليه الصلاة والسلام قال وأباح ذلك لأمته فقال إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو نعليه فليلبس نعليه أو ليخلعهما بين رجليه كذلك سان دليل أمر فليلبس نعليه أمر سان أوردر que tu dois porter tes sandales أو ليخلعهما الحقيقة le choix on va voir c'est quoi الأفضل c'est quoi le préférable لكن هنا on a deux أدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا اللي portait أحيانا اللي portait pas قال ولا يؤذي بهما غيره ça on va voir cette مسألة à la fin du dars c'est où Si tu ne pries pas avec tes ni'al, tes sandales, où est-ce que tu vas les mettre? Est-ce que tu les mets à ta gauche? Est-ce que tu les mets à ta droite? Est-ce que tu les mets entre tes pieds? قال وأكد عليهم الصلاة فيهما أحيانا فقال خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم وهذا الحديث المعروف للصحيح رواه أبو داود dans le troisième hadith خالف اليهود كما قال الشيخ الألباني وأكد سان تأكيد لماذا لأن اليهود il faut pas الصلاة avec leur نعال فالمسلم il est مأمور بمخالفة الكفر في لبس النعال وفي غير ذلك فخالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم بقي مسألة est-ce que الأفضل c'est de prier avec النعال أم لا est-ce qu'il est préférable de faire salat avec نعال أو il est préférable de faire salat pin et نحن هنا une réponse avec les أدلة qu'on a vu النبي صلى الله عليه وسلم il a donné le choix كان يقف حافيا أحيانا ومنتعلا أحيانا ça montre que النبي صلى الله عليه وسلم il a fait les deux بقي الأوامر خالف اليهود et on va citer des autres أدلة et on verra الصواب قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى il a cité les أدلة sur le fait de faire la salat dans ce ni'al ثم قال وهذا يدل على أن عادة النبي صلى الله عليه وسلم المستمرة الصلاة في نعليه صحيح أن أكثر الأوقات la plupart du temps النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الصلاة dans ses sandales في نعليه قال وكلام أكثر السلف يدل على أن الصلاة في النعلين أفضل من الصلاة حافية il va rapporter des كلام de السلف أنهم أن le comportement qu'ils avaient dans salat en mettant leurs sandales et le comportement qu'ils avaient avec ceux qui priaient pas avec les sandales ça montre أن الأفضل c'est de prier avec النعال قال وقد أنكر ابن مسعود على أبي موسى خلعه نعليه عند إرادة الصلاة وقال له أبي وادي المقدس أنت لأن في الوادي المقدس الوادي المقدس بتو يجب خلع النعال فابن مسعود رضي الله عنه مرة il a vu Abu Musa al-Ash'ari رضي الله عنه il a fait salat et il a enlevé ses ni'al ibn Mas'ud ankara alayh il lui a dit est-ce que tu fais wad al-muqaddas anta al-an yani prie dans tes ni'al ça montre anna yajouz al-inkar walaw si personne délaisse une sunna amal al-sahaba kathiran ils avaient un inkar même si une personne délaisse une sunna on se dit pas c'est pas grave c'est qu'une sunna là walaw c'est pas obligatoire On s'entraide في هذا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الصحابة رضي الله عنهم ils s'entraident في هذا et ils n'avaient pas معاذ الله le tassahul que beaucoup de personnes ils ont aujourd'hui fais kada c'est une sunna pourquoi t'as pas fait kada je ne le fais pas c'est qu'une sunna c'est pas ça le dîn الدين تو في سكو تو بو سيت سنة الان يا اجر عظيم اي لا شك مي بو ميم نيفو لي شوز ريكوموندي لي شوز اوبليغاتوار لكن on s'entraide في السنن et si quelqu'un délaisse une sunna on le conseille on lui rappelle et chaque chose a sa place قال وقال اصحاب الشافعي ونقلوا عن اي عن الامام الشافعي ان خلع النعلين في الصلاه افضل ça on a cité ce kalam pour te montrer ان la masala ya khilaf بين اهل العلم il y a des savants ils pensent leur avis c'est que enlever les ni'al c'est افضل منهم الامام الشافعي الامام الشافعي لان قول أن الأفضل ستطلف النعال قال لما فيه من مباشرة المصلي بأطراف القدمين إذا سجد عليها هذا سبان قول صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم يفزي الصلاة في نعاله أو في نعليه يفزي السجود الإمام الشافعي رحمه الله يكسبيك أن في السجود كما نرى تبتي يدوف توشي للسل فعند الإمام الشافعي ستا دي صندل تدوي يبون بايتو كونتاك دي صل Enfin, le mieux, c'est que tes pieds, tes orteils, ils sont au contact du sol. Le Nabi il nous a conseillé, il nous a ordonné de faire salat fin ni'al, et la chèque, on va faire le soujou. Al-Aqrab, Wallahu A'lam, c'est le qawl, bi anna as-salat fin ni'al, c'est afdal. C'est pas une obligation, un tabé, lakin, c'est préférable. Cheikh Alban, il a cité Ad-Dalil, Khalif al-Yahoud, فإنهم لا يصلون في نعالهم هسه سموت أن الصلاة في النعال يا مقصد عظيم سي مخالفة اليهود ستموت كسمية كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه أذى أو قدرا فليمسحه وليصلي فيهما النبي صلى الله عليه وسلم يقول si un de vous il vient à la mosquée au masjid avant de rentrer falyanzur fi na'alayh il regarde ses sandales si il y a une najasa quelque chose qui sent mauvais ou une najasa il a marché sur quelque chose s'il peut nettoyer il nettoie et il fait salat dans ses ni'al wal yusalli fihima c'est un ordre الحديث أخرجه أبو داود إلى صحيح. فسنا دليل واضح أن النبي عليه الصلاة والسلام يلغدون دفع الصلاة في النعال. قد يقول قائل لماذا؟ on dit pas بالوجوب. خالف اليهود. سنغد. dans حديث حديث أبي داود أو في سنن أبي داود وليصلي فيهما. pourquoi on dit pas que الصلاة في النعال c'est واجب؟ أن هذا الأمر on a dit la base dans l'amr c'est l'wujub لكن on a dit adillah que النبي صلى الله عليه وسلم il a prié avec ses sandales il a prié pied ce fait l'acte ce geste du prophète عليه الصلاة والسلام il montre que l'amr il est l'istihbab il montre que l'ordre c'est un ordre من باب الاستحباب أي c'est recommandé فلا شك أن القول الصحيح c'est le prophète عليه الصلاة والسلام أو c'est que salat في النعال c'est recommandé C'est mieux que prier pied nu. نعم ثبت كذلك في مسند احمد من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم il a prié pied nu. Ça montre qu'on a prié avec ses sandales c'est افضل. بقي مساله ان في هذا الزمن tu peux pas appliquer cette sunna partout. اكثر المساجد الان tu peux pas prier avec tes sandales. Pas la personne Il ne prie pas avec ses sandales. Si la mosquée ils n'autorisent pas, comme c'est la plupart des mosquées l'un, enfin, la personne, il ne fait pas des fitan pour appliquer cette sunna. La yajouz là. Si tu ne peux pas, tu ne peux pas. Les awam, la yafhamoun. Ma baloukata, tu rentres avec tes sandales, ils viennent d'acheter Rubama al-Firash, ils viennent d'acheter une nouvelle moquette, un tas, tu rentres avec tes sandales, enfin, ma ça yakbani. Ils ne connaissent pas. Hum, ba'd al-awam. كثير منهم يفكر que prier dans ses sandales c'est un manque de respect c'est un manque de cadre tu les trouves rien ils sont en safar il est en voyage il est sur la route il s'arrête il prie tu le trouves yatab il enlève ses sandales ou ses baskets et il pense que prier pieds nus c'est obligatoire alors que le préférable c'est de prier fi ni'al dans tes baskets tes sandales al afdal c'est la sunna du nabi alayhi salam mais la personne ne sait pas Et si on peut propager cette sunna, on la propage. Et on propage qabla dhalik at-tawhid wa al-mu'taqad as-sahih. Et on éduque les gens bis sunna. Si les gens ils sont éduqués avec sunna, ils vont accepter as-salat fi al-ni'al wa ghayr dhalik. S'ils sont pas éduqués, abadan, ils comprendront pas hada l'amr. Enfin, la personne il va pas en contact hakada. Li'anna yadi masalih. Si c'est un da'i ila Allah, il doit propager da'wa. Amma tu rentres dans la mosquée, tu fais salat avec ni'al. Tout le monde parle sur toi. Plus personne écoute ta da'wa que tu vas appeler au tawhid. C'est pas minal hikma. Et salat fi ni'al, c'est pas obligatoire. Walaw on prie tout le temps, pieds nus, dans notre mosquée, achay, c'est une sunnah. Si on peut l'appliquer, c'est mieux. Si on peut pas, là, chaque, il y a des choses qui passent avant. Amma nahnu fi hadha al-masjid, wa lillahi alhamd, min ni'am Allah subhanahu wa ta'ala alayna, annana, on applique cette sunnah et on est muqassir. Allah subhanahu wa ta'ala, il a facilité fi hadha al-makan. بإذنه عز وجل ثم بجهود الإمام مقبل ابن هادي رحمه الله سد سنة تدخل نحن مقصر ونبقي لابتد كثير منا حتى dans notre masjid الآن on peut faire salat en sandal. Au contraire, le Cheikh حفظه الله combien de fois il conseille, il n'oublie pas, oubliez pas cette sunnah. Le Nabi صلى الله عليه وسلم il faisait salat dans ses sandales. كم منا on a pris la mauvaise habitude. On prie pieds nus, alors que nos sandales, elles sont propres. Il a fait. Ça y est, au départ, peut-être que tu n'es pas à l'aise, tu n'as pas l'habitude. Lakin, tu as oublié de neuf secs à la sunna, c'est un ajf. Et elle aime que si tu pries avec les sandales, ta niya, c'est de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu auras plus de récompenses que le frère qui prie à côté de toi sans ses sandales. Kadalik, la mauvaise habitude de. Dès que la personne y rentre, il pose ses sandales madri'ayn. C'est une mauvaise habitude, hein. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit tu regardes dans tes sandales avant de rentrer. Thumma, tu pries avec. Si tu n'as pas envie de prier avec, tu les gardes avec toi. On va voir, tu les places où. Amma al-an, on a une mauvaise habitude. Thumma, ça fait du mal aux autres. Ahyana, tu viens dans le rang, tu trouves une paire de sandales en face de toi. Tout ça pourquoi? Parce qu'on a délaissé ces sunnahs. Amma, chacun prend ses sandales. Tu veux prier dedans? Ahsan. Tu veux pas prier dedans? Tu les laisses entre tes pieds. On va voir si c'est salat jama'a entre les pieds. Si tu es tout seul et il n'y a personne à ta gauche, tu peux les mettre à ta gauche. Wahakada. Amma wahad il aimait huna, wahad il aimait huna. T'en trouves dans le masjid, tout le monde est en zarar. Ahyana, tu trouves un frère, on m'a pris mes claquettes, j'ai perdu mes claquettes, je les retrouve pas. Tu les laisseras avec toi, personne ne va te les prendre. Ah là, c'est muhim. Et à la mana, plus on délaisse les sunnahs, plus on se fera du mal. Ou alors c'est une chose recommandée. Ahyana, tu délaisses une chose recommandée, enfin, ça te fait du mal. Enfin, tatbiq sunnah fihi khayr. Hatta fi mas'alat al-ni'al. Nahnu al-an, on explique mas'alat al-ni'al, les sandales fi salat. Fama baluk at-tawhid wa al-mu'taqad as-sahih wa al-manhaj al-qawim, ma baluk. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tanabbah. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit vous ne mettez pas de sandales à la mosquée. Ça aurait pu être une solution pour éviter que les gens ils salissent la mosquée. Là, tu peux avoir les sandales sales, tu peux avoir les pieds sales. La solution c'est quoi? C'est la propreté. Que ce soit avec les sandales, pieds nus ou les chaussettes. Si tu es propre, tu es propre. Fali'ad al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qal, fali'anzur. Fa'in ra'a fina alayya adha. Enfin, nous on dit nafsu shay pour les chaussettes, pour les sandales. La personne, il regarde, si c'est sale, il les nettoie. Il les change. Si c'est propre, pourquoi interdire à tout le monde? Et elle interdire à tout le monde, ça empêche d'appliquer une sunna. Et hada, c'est pas un khayr. Abadan. Lakin, les gens, ils ont besoin de ta'lim. Les gens, ils ont des problèmes dans l'aqida. Les gens, ils ont encore des doutes. Ils demandent aux morts, il va avoir des sorciers. Nisallah subhanahu wa ta'ala. Un yahdi al-muslimin. Et ça te montre, ayyuha talib, des efforts, fait talab. Les gens, ils ont besoin de toi. Les gens, ils ont besoin de ton ilm. Comme les gens, ils ont des problèmes salat fi ni'al, ma yadri. Si tu as maîtrisé ce bab, tu le propages, c'est un khayr. Les efforts, ya jama'a. Nakmil. Qala rahimahullah. Wa kana rubbama naza'ahuma min qadamayhi wa huwa fi s-salat. ثم استمر في صلاته كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلما كان في بعض صلاته خلع نعليه فوضعهما عن يساره. C'est un دليل أن si t'es tout seul, il y a personne à ta gauche, لأن le prophète صلى الله عليه وسلم c'était l'imam. Il y avait personne à sa gauche. Si t'es tout seul, t'as le droit de mettre tes ni'al à ta gauche. Et t'as le droit de les mettre entre tes pieds. Si t'es tout seul, s'il y a quelqu'un à ta gauche, ça y est, tiens, nahoula. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est imam. Il n'y a personne à sa gauche. Les rangs, ils sont derrière lui. Qala, falamma ra'a an-nas dhalika khala'u ni'alahum. Hirs, ala tiba' al-sunnah. Andra sahaba, ils ne se posaient pas de questions fait tiba' al-Nabi alayhi wa sallam. Ils ont vu un Nabi sallallahu alayhi wa sallam pendant la salat enlever ses ni'al, ils ont tous enlevé leur ni'al. Ils ont pensé qu'il fallait enlever les ni'am pendant salat. Ils ont tous enlevé. Tellement qu'ils aiment le prophète sallam, ils le suivent. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Tu trouves Adel Fossak, il suit une personne qu'il aime dans tout. Il ne se pose pas la question, c'est obligatoire ou c'est pas obligatoire. Il le suit dans tout parce qu'il l'aime. Alors nous, on doit être comme ça avec le Nabi, alayhi sallam. On le suit, c'est une sunna, tant mieux, une sunna, il y a du khayr. Ba'd al-Nas, il parle de sunna comme si c'était une mauvaise chose. C'est qu'une sunna. Ah, je ne la fais pas, c'est une sunna. On dirait que la sunna, il ne faut pas la faire. Qala, falamma qada salata, qala, ma balukum, alqaytum ni'alakum. Un Nabi, sallallahu alayhi sallam, après la salat, il leur a dit, limada vous avez enlevé vos ni'al. قالوا رأيناك ألقيت نعلا عليك فألقينا نعلا. On t'a vu enlever tes ni'al, nous aussi on fait comme toi. هؤلاء ils ont عظمت السنة الله سبحانه وتعالى il les a élevé جدا. فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيها قذرا أو قال أذى وفي رواية خبثا فألقيتهما فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه فإن رأى فيها قذرا أو قال أذى وفي رواية أخرى خبثا فليمسحهما وليصلي فيهما. Le hadith qu'on a cité, رواه أبو داود, il est sahih. Ce hadith, تستفيد منه une autre faïda. Si tu fais la salat avec tes ni'al et tu t'aperçois qu'il y a quelque chose, imma tu sens, imma une personne il te fait un signe, et à dal hal tu les enlèves pendant la salat. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a enlevés. Et la personne il fait attention avant, comme قال النبي صلى الله عليه وسلم فليمضر في نعليه. La personne dès qu'il rentre au masjid il regarde. حتى يسي est-ce qu'il peut faire salat dans ses ni'al ام لا. أما مسألة أو بلاس سنعال أو في غدما وكان إذا نزعهما وضعهما عن يساره إلى آخره دما وفينيغا هذا الباب وفينيغا مسألة si tu pries pas dans tes ni'al tu les places où ça on y verra demain بإذن الله avec الصلاة على المنبر والسترة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.